Section 96 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. La lecture, tome 6e. Section 96. La princesse Lilith, par Jules Lemaître. Chapitre 4. Lilith fit atteler les mules au chariot de cèdre, fut à Bethléem avec Noun, entra chez sa sœur de lait, Zébouda, et lui dit « Voilà trop longtemps que je n'ai vu Osaël. Je voudrais l'emporter dans mon palais et le garder un jour et une nuit. L'enfant est sevré et n'a plus besoin de tes soins. Je lui donnerai une robe d'hyacinthe et un collier de perles. » Et elle ne dit point à Zébouda ce qu'elle avait appris de Zabulon, tant elle avait peur du roi. Mais elle remarqua que le visage de Zébouda rayonnait d'une joie inaccoutumée. « Pourquoi es-tu si joyeuse ?» Zébouda hésita un instant et répondit « Je suis joyeuse, princesse Lilith, parce que vous aimez mon fils. »« Et ton mari, où donc est-il ? » Zébouda hésita encore et répondit « Il est allé rassembler son troupeau dans la montagne. » Fin de la section 96.